Standard Matignon, bonjour. Ouais. Allô? Allô? M'entendez-vous? Je ne vous entends pas. Je raccroche. Rue de Varennes. De François Perrache. Cinquième saison, L'Arche d'Alliance. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que l'Arche d'Alliance va vous revenir. Les anges la porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Sourate numéro 2, verset 248. 57, rue de Varennes. 25e épisode. Très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau roman, enfin. J'ai envie de dire, pourquoi avoir attendu 3 ans depuis votre dernier livre, La panne d'inspiration ? C'est long d'écrire, vous savez. Et on est dans un monde de plus en plus confus. Donc je crois qu'il faut parler peu, mais parler clair. Clair et fort. Oui, ça, on peut dire que vous n'y allez pas de main morte. Dans ce nouveau roman, vous dressez un portrait au vitriol du système politique à travers le quotidien d'un cabinet ministériel, celui d'une jeune ministre de la Santé. Elle est médecin brillante, elle met en place toute une série de réformes drastiques. Et dès le titre de votre roman, sans intention de la donner, on comprend que vous allez filer la métaphore du crime. Pendant tout le livre, vous décrivez ce groupe de jeunes gens brillants, sympathiques, convaincus du bien fondé de leur action, comme un groupe d'assassins. Vous pensez vraiment que les politiques sont des assassins ? Le mot assassin, je crois qu'il n'apparaît qu'une fois dans le roman. Non, vous l'avez dit, c'est une image. Je fais de la littérature, moi, pas de la science politique. C'est une métaphore. Non, mais comparer les politiques à des assassins, c'est fort quand même. Ça correspond à la définition. Prenez le petit Larousse. Ou interroger un enfant de 10 ans et demander-lui comment il appelle quelqu'un dont les actions délibérées aboutissent à la mort d'autres personnes. L'enfant va vous dire, c'est un assassin. Et dans ces cabinets ministériels où se prennent tous les jours des décisions qui se veulent rationnelles, efficaces, en bout de chaîne, il y a des êtres humains, il y a des centres de soins qui ferment, il y a des femmes qui accouchent à 45 minutes de route de chez elles, il y a des SDF qui n'ont plus de place d'hébergement et dont on retrouve le corps sur un trottoir, il y a des patients qui meurent dans les salles d'attente des urgences débordées, il y a des morts. Regardez le drame qui s'est produit à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Bien sûr, on peut dire c'est le destin, mais pas d'hélicoptère, pas d'urgence pédiatrique. Au bilan, c'est 8 enfants morts. C'est un fait. C'est la vérité. Et le rôle de la littérature, c'est de dire la vérité. J'ai lu que ce qui aurait déclenché l'écriture de ce roman, c'était quand vous avez découvert le Premier ministre à la télé. C'est vrai, ça ? Oui, ça a été un des déclencheurs, oui. Il y a un an, à peu près, au moment de sa nomination... Je n'avais plus d'idée d'écriture, donc j'étais un peu désespéré, comme souvent. Et je me suis mis à regarder presque tous les jours la chaîne parlementaire, ce qui est vraiment une activité de dépressif. Et je suis tombé un peu par hasard sur Camille Fournier, sur son tout premier discours, là, comment ça s'appelle, le discours qu'ils font quand ils sont nommés à Matignon. Le discours de politique générale. Oui, voilà. Et je découvre ce type, cet inconnu... Ce grand noir magnifique qui monte à la tribune dans un costume impeccable, une classe folle. Il est jeune, beau, et il commence à parler. Très bien. Et j'étais subjugué. Je me suis dit immédiatement, ce type n'est pas comme les autres. Il était tellement calme que ça m'a terrorisé. Et j'ai tout de suite pensé en le voyant au personnage qui ouvre la pièce état de siège de Camus. Vous voyez ce personnage ? C'est un personnage qui incarne la mort, qui se présente en tenue d'officier devant la population. Il vient prendre le contrôle de la ville et il dit en substance aux habitants « Désormais, vous allez apprendre à mourir dans l'ordre. Je ne règne pas, moi. Je fonctionne. » Eh bien voilà, notre Premier ministre, il est pareil. Il fonctionne et il est entouré de gens brillants qui fonctionnent. Et je me suis dit « C'est devenu ça, la politique. » Là, on a des personnages de fiction, des vrais personnages de tragédie qui apportent la mort sans intention de la donner. Oui, allô ? Bonjour madame, Matignon à l'appareil. Vous êtes bien Elisabeth Roussel ? Oui, je... mais... Est-ce que je peux vous demander de me confirmer vos prénoms à l'état civil, s'il vous plaît ? Quoi ? Oui, Elisabeth, Jeanne, Monique. Merci. Mais qu'est-ce que... J'aurais besoin que vous me confirmiez également votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît. 2 juin 1965 à Saint-Martin-d'Hères dans l'Isère. Ça recommence, c'est ça. Je vous jure que je n'ai... Je vous remercie, madame. Je vous passe le Premier ministre. Quoi ? Allô ? Oui ? Elisabeth Roussel. Bonjour, madame. Camille Fournier à l'appareil. Vous avez bien été la directrice de cabinet de Jean-Philippe Belansky au ministère de la Santé ? Oui. Alors, j'ai peu de temps, je vais aller droit au but. On m'a indiqué que vous étiez susceptible de me donner des informations de première main sur les circonstances de la mort du ministre. Allô ? Oui, je suis là. Alors, j'ai cherché à joindre la veuve de M. Belansky, mais j'ai appris qu'elle avait mis fin à ses jours il y a 2 ans. C'est la mort de Thomas qui l'a achevé. Thomas ? Le fils de Jean-Philippe, de son premier mariage. Véronique l'a élevé comme son propre fils. Il avait sombré dans la cocaïne, puis l'héroïne à la fin. Jean-Philippe était médecin avant de devenir ministre. Il s'est jamais pardonné d'avoir laissé son fils tomber dans la drogue. Thomas est mort quelques mois après la disparition de son père, d'une overdose, et dans des circonstances... Véronique n'avait plus personne. Elle est morte de chagrin et de toute cette pression. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de la mort de Jean-Philippe Belansky ? Rien. Je peux rien vous dire. C'est un piège, c'est ça, hein ? Je vous jure que je n'ai parlé à personne, je le jure ! Et où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je veux juste qu'on me laisse tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît ! Calmez-vous, calmez-vous. Je sais que c'est difficile, mais vous pouvez me faire confiance, Elisabeth. J'ai juste besoin de connaître la vérité et vous êtes une des mieux placées pour... La vérité ? Je comprends qu'au téléphone, vous soyez réticente. Écoutez, je vous propose de venir discuter de vive voix avec moi à Matignon. Ok ? Demain matin, par exemple. Non. C'est très important, Elisabeth. Faites-le pour la mémoire de M. Belansky. Je vous garantis personnellement votre sécurité. Venez discuter. Je ne peux pas. Je ne peux pas être à Matignon demain matin. Vous savez où je suis. Vous savez quelle heure il est, là. Pardon ? Je suis à Hirakubo. Vous connaissez ? Hirakubo ? Non. C'est où ? Nulle part. C'est nulle part, Hirakubo. Mais je peux m'estimer heureuse. Hirakubo, ça reste la France. Faudra venir me rendre visite un jour, Monsieur le Premier ministre. Hirakubo, c'est exactement à mi-chemin entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne. 2 mois après la mort de Jean-Philippe, j'ai été mutée d'office en Guyane. C'est bientôt la fin de notre voyage pour notre héros. Camille Fournier est au bout de sa nuit. Lumière est faite. La vérité, comme un fruit mûr, lui éclate en plein visage. Et la vérité de ce monde, dit le poète, c'est la mort. Notre héros apprend enfin, cruellement, ce que nous savons tous depuis le début de notre histoire. L'assassinat politique du ministre Jean-Philippe Belansky sur ordre de l'Élysée. Et cet ultime mensonge est plus que Camille Fournier ne peut supporter. Non, restez assise. Excusez-moi, je crois que je me suis perdu. Je cherche le service informatique. On m'a dit que c'était par ici. Là, vous êtes à la comptabilité, monsieur le Premier ministre. L'informatique, c'est tout le couloir juste à gauche. Merci. Comment il s'appelle déjà, le responsable du service informatique ? Sauron. Monsieur Sauron, son bureau, c'est la porte rouge. Vous pouvez pas vous tromper, il y a une photo de l'œil de Sauron collée sur la porte. Une photo de ? L'œil de Sauron. Sauron, c'est aussi le nom du méchant dans Le Seigneur des Anneaux. Alors. Je connais pas. C'est de l'humour d'informaticien. Sauron. Ok. Merci. Bonne journée. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vous lever, Monsieur Sauron ? Oui, c'est moi. Ah. Bon. C'est bien vous qui m'avez adressé une note il y a presque un an, je venais d'arriver, qui devait s'intituler de mémoire proposition de dispositif de diffusion multicanal temps réel. Je crois que c'est exactement le titre que j'avais choisi. Pour que ça soit plus clair, parce que souvent on me reproche, c'est un peu technique. Mais à l'époque, vous nous avez retourné la note avec juste marqué merci, pas intéressé. Donc, Je suis intéressé. D'accord. C'est un système pour diffuser de la vidéo et du son en temps réel sur le site de Matignon, c'est ça en gros ? Oui, c'est ça, du live stream qu'on appelle. Bon. Ça permet par exemple de diffuser une conférence de presse improvisée depuis n'importe où. Il faut juste une petite caméra, du Wi-Fi. Et avec ça, c'est possible ? C'est un téléphone sécurisé. Il faut une expertise sécurité du terminal par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, pour qu'ils donnent leur accord. Je vous le donne, moi, d'accord. Mais sinon, avec ce téléphone, c'est possible ? Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, mais ça marche pas comme ça. Moi, il me faut d'abord... Avec ce téléphone, de... c'est possible ? Oui, sans doute. Il faut une batterie et du Wi-Fi, mais en principe... Mais on peut vous fournir une caméra de bien meilleure qualité. Non, avec ça, avec ce téléphone, en pratique, ça peut être prêt dans combien de temps ? Oh, ça peut être très rapide. On installe l'appli, on paramètre votre téléphone, on fait quelques tests, on vérifie la charge du serveur, on fait le point pour la réplication. Oh, je dirais à peine une semaine, 3-4 jours. Vous allez rire. Enfin, il paraît que tout le monde n'apprécie pas mon humour. Quelle heure il est ? Bientôt midi. Vous avez une heure. Mais... Je laisse mon téléphone, le temps de faire vos petits tests et de me préparer tout ça. Je repasse très vite. Pendant ce temps, j'ai un autre truc à faire. Vous savez où est le service qui s'occupe des jardins ici ? Des ? Il me faut une tronçonneuse. Une ? Valérie, je sais pas où tu es. Il faut que tu reviennes là, de toute urgence. Je crois que Camille est en train de péter un plomb. Il est dans les jardins là. J'envoie la sécurité. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rappelle-moi et rentre. J'ai relancé le fer. Alors, Pablo, où es-tu ? Monsieur ! Pablo ! Monsieur ! Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes qui ? Hugues Bellet, monsieur. Je suis le jardinier en chef. En costume ? Ça ne doit pas être très pratique pour placer la tondeuse. Vous ne pouvez pas... détruire les jardins comme ça, monsieur. Je ne détruis rien, il y a juste 3 arbres très précis que je veux abattre. J'ai trouvé le premier, il m'en reste 2. Vous allez m'aider. Et d'ailleurs, on s'en fiche de jardin. On vend. Les futurs propriétaires en feront sans doute un parking. Mais qui vous a donné cette tronçonneuse ? C'est très dangereux, monsieur. Donnez-moi ça. Aidez-moi plutôt. Je cherche Pablo Mercadal. Quoi ? Pablo Mercadal. Il est mort. Hein ? L'arbre. Ah. Monsieur Mercadal avait insisté pour planter un grenadier, comme dans les jardins de l'Alhambra, mais il ne s'est jamais acclimaté. On n'a pas encore eu le temps d'en planter un autre. Bon, donc Mercadal, on peut considérer que c'est fait. Il m'en manque plus qu'une et je vous renvoie le toujours. C'est fait ? Souffrez, s'il vous plaît ! Posez cette tronçonneuse. Tout va bien ! OSPC pour GSPM, plan rouge dans les jardins. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, à 13h01. Camille, Armel m'a un peu raconté. J'imagine que tu veux te pointer là-bas. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est une connerie. Faut qu'on gère ça proprement. Ça sert à rien d'aller faire un esclandre. On les aura, mais pas n'importe comment. Tu vas te casser les dents, là, rappelle-moi. J'ai bien réfléchi depuis samedi. Je vois aucune raison pour laquelle je devrais vous couvrir. Tu fais chier, Tiffany. Laisse-la s'exprimer, Pablo. Tu auras la parole. Chacun son tour. J'ai pas mis le nez dans vos magouilles. J'ai pas participé ni de près ni de loin à la campagne de Rimoux. J'ai passé mon mandat à Matignon à essayer d'amener un peu de probité dans la classe politique. Ça y est, les leçons de mère la vertu. Pablo ! Mais elle nous emmerde ! Oh. C'est du chantage que tu veux faire, c'est ça ? Ça te fait jouir, hein, nous tenir tous par les couilles ? C'est une image, monsieur Mercadal. Non, monsieur le ministre, c'est une contrainte. Tiffaine nous tient par les couilles. Et comme toutes les gonzesses, ça la fait jouir. T'as vraiment un problème avec les femmes ? Mais pas avec les vraies. Toujours aussi élégant. Non, ce que tu oublies, ma grande, c'est qu'on est tous dans la même galère. Sur ce point, il a raison, Tiffaine. Il nous faut être solidaires. Ce ne sont plus vos personnes qui sont en jeu, c'est les fonctions du président et du premier ministre qu'il faut protéger. Oui, que ça vous plaise ou non, Tiffaine. Si Pierre-Yves tombe, nous tombons tous. Et vous tomberez avec nous, coupables ou innocents. Je n'ai rien à me reprocher, vous me demandez d'être complice d'un crime. Mais tu crois que ça me dégoûte pas, moi aussi, qu'ils aient désingué Belansky ? Mais quel choix on a ? Alors arrête tes leçons de morale et vas-y, dis-le. Mais dis-le, Tiffaine, qu'est-ce que tu veux pour fermer ta gueule ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous m'empêchez de passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui vous a donné l'ordre ? S'il vous plaît, monsieur, je suis le Premier ministre. Il manquait plus que lui. Le tableau de famille est complet. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer, Camille ? Un pardon ? Je n'ai pas été invité ? Non, mais assieds-toi. Et calme-toi, Camille. C'est très bien que tu sois là. C'est plutôt que prévu, mais c'est très bien. Il fallait bien qu'on te mette dans la boucle à un moment ou à un autre, alors... Tout de suite, ou un peu plus tard. Dans la boucle. Pourquoi, monsieur le président ? Ben, tu joues mal la surprise. T'as jamais su mentir, de toute façon. Mais tu sais très bien de quoi on parle, sinon tu serais pas là, dans la boucle pour Belansky. Bienvenue. C'est justement ce que j'étais en train d'expliquer à Tiffaine. On est tous impliqués. Toi compris. Je suis pas impliquée, je suis informée. Qu'est-ce que je dois dire ? Je ne suis même pas au courant officiellement. Si je n'avais pas eu vent de cette réunion... Ouais, désolé, on n'a pas publié de communiqué bon, de presse. Bon, Camille, puisque tu es là, c'est que tu dois être déjà largement au parfum. Alors, qu'est-ce que tu sais sur Belensky? L'essentiel. Que son assassinat est une décision du président Rimou, n'est-ce pas, monsieur le ministre des Affaires étrangères? En tant qu'ex-secrétaire général de l'Élysée, j'imagine que vous confirmez. Le mot assassinat a une petite connotation désagréable, mais oui... Raison d'État, monsieur le Premier ministre, la décision la plus pénible de ma carrière. C'est toi, Pierre-Yves, qui a fait exécuter l'ordre? Non, c'est moi. En tant que dire-cap de Pierre-Yves à Matignon. Christian, c'est gentil de vouloir me couvrir, mais j'assume mes responsabilités. C'est le colonel Michaka qui tenait le couteau. Mais c'est bien moi qui ai donné l'ordre. Bon, on va pas se faire des politesses et faire un tour de table. Pourquoi pas? Il y a encore une personne ici que je ne connais pas. Madame? Mardanian. La fameuse Mimi. Je vous prenais presque pour une légende. Je mets enfin un visage sur votre nom. Nous aurons sans doute l'occasion de nous revoir prochainement, monsieur le Premier ministre. Comme vous le savez, une jeune journaliste pleine d'enthousiasme a essayé de faire ressortir cette triste affaire. D'où nos petites réunions. Je reviendrai vers vous dans les prochaines semaines pour mettre en place quelques dispositifs en direction de la presse. J'ai établi un cordon sanitaire autour du président, mais il sera plus prudent de l'élargir à l'ensemble des membres du gouvernement. Monsieur vous président, inclus. Il faut évacuer, s'il vous plaît. On nous signale un problème. Il faut arrêter la réunion quoi maintenant. Dispersion, on évacue. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? All right. Éteignez ce truc maintenant. Non, j'ai reçu un ordre personnel du Premier ministre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que j'appuie? Non, touchez pas à ça. Mais je vous interdis de toucher à cet ordinateur. Je tiens mes ordres directement de monsieur le Premier ministre. Ok, Bolloum, tu l'auras voulu. Mes chers amis, il y a 5-6 ans que m'a été confiée la destinée de nos personnages. En ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, sachez qu'un événement politique n'est qu'un maillon dans la chaîne de notre longue histoire. Pierre-Yves Gerland l'achève aujourd'hui, mais d'autres viendront après lui pour présider aux destinées du royaume de France. Quant à moi, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Là où je serai, j'aurai le cœur plein de reconnaissance pour vos fidèles amis qui m'avaient si longtemps confié votre écoute. Au revoir. Nous sommes toujours en direct pour cette édition exceptionnelle. Et si vous nous rejoignez, je vous rappelle que c'est donc aujourd'hui que Pierre-Yves Gerland se rend à l'Assemblée nationale devant la Haute Cour pour son audition. Le point d'orgue d'une procédure de destitution qui aura été, somme toute, rapide, hein, à peine un an après les révélations fracassantes et accablantes obtenues par le Premier ministre Fournier lui-même. Bonjour, Monsieur le Président. Michel ? Oh, mais... Qu'est-ce que vous faites là, mon vieux? Vous n'aviez pas été muté en Italie? J'y retourne demain soir, monsieur. Mais je souhaitais vous accompagner aujourd'hui. Oh. J'ai demandé cette faveur au chef de groupement de sécurité. Michel. Bon, allons-y, monsieur le président. Évitons, en plus d'être en retard. Tenez, je vous ai pris un dossier. Mettez-le sous votre bras, comme ça, quand vous sortirez de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, rien, mais ça fait plus sérieux. On nous attend, monsieur le président. Et je ne suis même pas certain qu'on puisse passer. Il y a beaucoup de monde, ça va être très compliqué. Oui, oui, mon général. Michel, à cheval. Oui, monsieur le président. Et adieu, va. Ici, comme vous le voyez, la C8 présidentielle est finalement sortie avec une escorte très réduite du palais de l'Élysée et qu'elle est arrêtée à quelques encablures de la place de la Concorde. Monsieur le président, je vous en conjure, faites demi-tour. Qu'est-ce que je fais, monsieur? En avant, Michel. Non, je vous interdis de bouger cette voiture. Pardon, mon général? Monsieur le Président, En tant qu'aide de camp, je suis en dernier recours, le garant de votre sécurité. Je ne peux pas vous laisser traverser sans escorte cette foule qui ne demande qu'à vous lyncher. Rentrez à l'Élysée. Michel, vous avez un ordre du président en avant. Négatif. Je suis au désespoir de vous résister, monsieur mon le président. Mon général, je vous démets de vos fonctions. Monsieur le président. Avec effet immédiat. Descendez. Maintenant, à moins que vous ne craigniez la foule. Ah. Alors attendez, non, je vois qu'un homme, visiblement un militaire, oui, il sort de la voiture. Il semble... Il repart à pied en direction du palais de l'Élysée. Très étonnant. Bon, c'est un peu la confusion qui règne ici depuis ce matin, hein. On peut dire que... Attendez, je ne sais pas ce qui peut se passer, Michel. Je ne peux évidemment pas répondre de votre sécurité. Si vous le souhaitez, descendez aussi, je prends le volant. Ou j'y vais à pied. Je ne vous en voudrais pas. Non, monsieur le président. Je vous conduis jusqu'au bout. En avant, Michel. Au pas, évidemment. Oui, monsieur le président. C'est incroyable. Voilà, la voiture présidentielle reprend son avancée. Et c'est tout bonnement incroyable. Voilà, vous découvrez ces images en direct avec nous. C'est impressionnant. La foule qui hurlait il y a encore quelques instants est en train de faire silence et elle s'écarte au passage de la voiture. Des portraits de Belansky partout. Rimou doit bien se marrer de là-haut en voyant où on en est à cause d'un minable petit médecin de campagne. Mais qu'est-ce qu'ils font tous? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ce calme, c'est effrayant. Je préférerais encore qu'il me saute dessus, qu'on en finisse. Quiconque applaudira le roi sera bastonné, quiconque l'insultera sera pendu. Quoi? Vous avez devant vous un grand peuple, monsieur le président. Un grand peuple qui rejoue son histoire sans même le savoir. Varennes. Quoi, Varennes? Le 25 juin 1791, Louis XVI et la famille royale rentrent dans Paris après la fuite avortée à Varennes. Au petit matin, le cortège royal est reparti de Meaux où ils ont passé la nuit. Sur la route, le tocsin sonne au clocher de toutes les églises. Les parisiens, ivres de rage, ont décidé de venir à la rencontre du cortège. La jonction se fait à Villeparisis. Il est 14h. Au même moment, l'Assemblée nationale décrète la suspension du roi. À 18h, le carrosse arrive à Paris. La municipalité, qui craint un lynchage, ordonne au convoi de faire un détour pour rentrer aux Tuileries. Le roi doit passer par les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Nous y voilà. La garde nationale crosse en l'air, comme pour un enterrement, ordonne le silence à la foule et Louis XVI rentre à Paris dans un silence de mort. Quiconque applaudira le roi sera bastonné, quiconque l'insultera sera pendu. Nous y voilà. 25 juin 1791. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe après Varennes? rue de Varennes, de François Perrache. 25e épisode. Chris Nanguna, William Nadilan, Aline Hubert, Maud Le Grévelec, Hervé Pierre, Gilles David, Grégoire Osterman, Louis Do de Langsaint, Anne Deleuze, Anne Cantino, Anne Azoulay, Christiane Coendi, Olivia Gesbert, Jean-Claude Dauphin, Sophie Dole, Benjamin Baroche, Alexandra Flandrin, Yves Heck, Jean-Luc Vincent, Lionel Mur, Vincent Ménette, Antoine Cahan, Frédéric Dimné et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Claire Chenon. Réalisation, Cédric Ossir.